Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 10 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 10 avril 1919, le jour de la mort d'Emiliano Zapata, le révolutionnaire mexicain. Son ennemi, le colonel Jesús Guajardo, de l'armée régulière, lui avait laissé entendre qu'un accord était envisageable et le rendez-vous était pris dans une hacienda au sud de Mexico. Seulement, quand Zapata est entré là, des hommes armés l'attendaient, se mettent à lui tirer dessus. Zapata reçoit plusieurs balles, quasiment à bout portant, et il meurt sur le coup. Qui est-il à l'époque, ce Zapata? Ah ben c'est un peon, hein, c'est un paysan, on le reconnaît à ses grosses moustaches, à son immense sombrero. C'est lui qui, en 1909, a soulevé les peones contre le dictateur Porfirio Diaz. Il se ralliera à la révolte d'un réformateur qui s'appelle Maduro, mais une fois au pouvoir, ce bonhomme va, contrairement à ce qui était prévu, ne redistribuer les terres qu'à quelques paysans, quasiment pas à vrai dire. Zapata reprend donc le combat avec ses guérilleros et bientôt, il publiera le plan de l'Alaya, le texte fondateur d'une réforme agraire très ambitieuse. C'est un combat proche de celui de Pancho Villa, non ? Oui, Zapata et Pancho Villa, ce sont deux combats proches, on peut le dire. D'ailleurs, ils ont pris ensemble Mexico en décembre 14. On les surnomme l'Attila du Sud et le Centaure du Nord. Mais leur alliance ne pouvait être qu'éphémère. Ça n'empêche pas Zapata d'intensifier sa lutte contre le régime de Carranza, qui se montre exaspéré par ce hors-la-loi. Et c'est à ce moment-là donc qu'on complote pour le faire assassiner. Le colonel Jesús Guajardo feint de déserter l'armée fédérale et fait savoir à Zapata qu'il veut rallier ses troupes en apportant avec lui canons, hommes, munitions, etc. Le révolutionnaire va tomber dans le panneau tête baissée et un temps plus tard, ce sera au tour de Pancho Villa qui va lui aussi être assassiné. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour évoquer la période très sensible de l'épuration.